Serafine Akizimana sur la mésanonde. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Sanganiro, à ce journal de la mi-journée de ce 2 mars 2023, dont voici d'abord le sommaire. Le numéro 1 burundais, Evariste Ndayishimiye, rejette le comportement d'homosexualité. C'était ce mercredi lors d'une prière organisée à l'Assemblée nationale devant le Parlement Vlantandre. La plateforme pour la prévention et la gestion des catastrophes dans l'exercice de sa mission fait face au manque de moyens financiers et le personnel insuffisant. Le général de brigade de police, président de cette plateforme, Anice Nivaruta, l'a dit ce mercredi lors de la journée mondiale de la protection civile. Ouverture ce mercredi 1er mars à Libreville du sommet One Forest Summit, une rencontre internationale de haut niveau consacré à la protection des forêts tropicales et notamment celle du bassin du Congo qui se trouve en Afrique centrale à cheval sur 6 pays, le Burundi ayant été représenté par le Premier ministre Gervais Ndirakobuta. Le président burundais rejette le comportement d'homosexualité s'exprimant ce mercredi à l'Assemblée nationale et devant le Parlement lors d'une prière. Et le numéro 1 burundais a parlé d'une malédiction qui doit être bannie par tout Burundais, partout où il est. Suivez-le dans cette traduction française de Aaron Douaïsou. Sur cette terre, de mauvais comportements ont vu le jour. Des hommes mariés aux hommes, des femmes par des femmes. C'est une malédiction. Ce qui est regrettable, il y a des responsables religieux qui enseignent cela. C'est très dommage. Pourquoi Sodome et Gomorre ont été détruites? L'empêche, mais à un certain moment, Dieu dit stop. Quand cet homme arrive, des hommes par des hommes, des femmes par des femmes, le Seigneur ne peut pas tolérer cela. Je vous demande, vous Burundais, qu'on n'accepte jamais ces péchés. C'est grave. Que tout Burundais, où qu'il soit, même aux États-Unis, qu'il bannisse son comportement, sinon on va le maudire. On ne peut pas laisser notre pays être maudit. Il y a aussi l'avortement. Est-ce qu'on connaît vraiment les débuts de la vie? C'est seule l'œuvre de Dieu. Et l'on cherche à tuer. Ceux qui le font, sont-ils prêts à se comparer à Dieu? Il est interdit de s'attirer ces malheurs. C'était là le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye. Je vous le disais en titre, le manque de moyens financiers et le personnel insuffisant sont parmi les défis qui hantent la plateforme pour la prévention et la gestion des catastrophes dans l'exercice de sa mission. Le général de brigade de police et président de cette plateforme, Anice Nibaruta, l'a dit ce mercredi lors de la journée mondiale de la protection civile. Cela étant, le gouvernement burundais ayant promis un fonds à cette plateforme, mais en vain. Suivez plutôt le général de brigade de police, Anice Nibaruta. Les moyens ne sont jamais suffisants, mais la plateforme nationale est un cadre d'échange d'expériences et un cadre de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des actions de préparation et de réponse aux urgences. Ensemble avec les membres de la plateforme nationale, nous coordonnons ces actions pour le retour dans leur ménage des victimes des changements climatiques qui sont à Gatumba, Rumonge et ailleurs. Sinon, on utilise les moyens des partenaires parce que le fonds de réduction des risques de catastrophes qui a été mis en place par le gouvernement à la fin de l'année 2020 et qui est logé au cabinet du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique n'est pas encore opérationnel. Et le jour où ce fonds sera alimenté, c'est là où on va faire les actions de mitigation des effets du changement climatique à travers tout le pays. Mais présentement, on développe des projets de réduction des risques de catastrophes qui visent la résilience communautaire et on s'est inscrit aussi à la résilience urbaine et on utilise les fonds qui sont fournis par des partenaires. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Parlons à présent de l'environnement. Des glissements de terrain menacent la population riveraine du ruisseau Nyamibouba à Kigobe Sud Extension. Ceux qui se sont entretenus avec notre confrère indiquent que la cause serait un conduit souterrain aménagé abîmé depuis le mois d'août 2022. Les habitants de cette localité appellent à l'intervention rapide. Mon confrère Jean Dodieu l'a causé. Provient de Kigobe, Jean de Dieu, comment est l'état des lieux? Oui, Évariste, ces glissements de terrain s'observent le long du rissant d'Inyamivouba, particulièrement tout près de la rivière Nahangwa dans laquelle il se jette. À l'origine de ces glissements se trouverait un conduit d'eau de ce ruisseau abîmé depuis le mois d'août 2022, comme le rapportent les habitants qui disent avoir écrit à la plateforme de prévention et de gestion des catastrophes et appellent au secours. Ce conduit souterrain a été aménagé depuis près de l'hôpital militaire d'Okamenge et d'après la population environnante, il aurait été aménagé suite au ravage que ce ruisseau aurait causé à la morgue de cet hôpital des années 2000. Merci à Jean Doudieu pour tous ces détails. Économie à présent. Le ministre burundais des Finances, du Budget et de la Planification économique demande aux chargés de l'exécution des projets financés par la Banque mondiale de faire tout leur possible pour le respect de l'exécution des 10 projets. Cela a été dit par le ministre Das Niyonzima lors d'une réunion à mi-parcours du cadre de partenariat pays 2022-2023 de la Banque mondiale au Burundi tenue à l'hôtel Club du Lac Tanganyika ce jeudi. Le ministre a mis en garde les chargés de l'exécution du projet de respecter les délais, sinon les sanctions vont être mises en application. Chaque commune de la province Kayanza est dès ce mercredi dotée de 2 psychologues qui sont chargés d'identifier les problèmes psychosociaux des élèves en particulier et de la communauté en général. Eric Hasabumutima, le chargé des services cliniques au sein de l'association des psychologues sans vacances qui a mis en place cette structure, fait savoir que le choix de la province Kayanza n'est pas un fait du hasard, mais émane plutôt du fait que cette province enregistre beaucoup de cas de suicide et d'abandon scolaire. Suivez Eric Hasabumutima dans ses propos recueillis par Patrick Nsengiumf. L'activité consiste à implanter des intervenants psychosociaux au sein de la province de Kayanza, là où on a pris dans toutes les communes des intervenants dans chaque commune de la province de Kayanza pour qu'ils essaient d'assurer la prise en charge des malades mentaux, l'écoute des élèves, l'entretien et la motivation des élèves. Ce qui nous a poussé à implanter ces services au sein de la province de Kayanza, nous avons remarqué que dans la province de Kayanza, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale, des troubles, des cas de suicide, des cas d'abandon scolaire sans motif et valable. Alors, on va essayer de détecter avec ces intervenants, on va les renforcer les capacités pour qu'ils essaient d'écouter d'une façon empathique les élèves, pour qu'ils les aident à mieux comprendre les santé mentale, les signes et les symptômes, pour qu'ils essaient de se prendre en charge. Les intervenants vont prendre une école, ils vont lancer des séances d'animation et puis ils vont écouter les élèves qui sont en difficulté. Par exemple, un élève peut avoir 80% au cours du premier trimestre et puis le deuxième trimestre, 40 ou 35%. C'est que l'élève a des problèmes à la maison. Il y a ce qui ne marche pas dans sa vie psychique. Alors, les intervenants vont alerter la famille, vont faire une descente dans la communauté, dans la famille, pour qu'ils essaient à écouter le profondeur de l'élève, le problème qu'il a, pour qu'ils essaient de se relever. Au sein de l'association des psychologues sans vacances, nous avons préconisé que chaque intervenant va essayer de prendre sa commune, parce que nous avons pris des intervenants qui habitent et qui sont des natifs dans la commune. On va aussi innover la clinique mobile pour que les gens qui auront besoin de traitements médicamentés auront accès facilement dans la province de Kayanza. De Kayanza, cap sur Rumonge, pour parler toujours éducation. Un écolier s'est cassé le bras, une autre est traumatisée. Une petite partie de la clôture du CDS Tchabara détruite et des vitres brisées, tel est le bilan des échauffourées. Éclaté ce jeudi matin à l'école fondamentale Tchabara M et au lycée communal de la place à l'origine, C'est un jeune homme avec handicap mental érisé. Ndaïra Guigé, directeur de l'Ecofo Tchabara 1, indique que les cahiers d'écoliers ont été déchirés et voudrait le renforcement de la sécurité dans les milieux scolaires. Toutes les agences de voyage aérien opérant au Burundi sont tenues d'avoir une carte d'agrément. Le délai d'acquisition de cette dernière est jusqu'au 31 mars courant. Dans une réunion à l'endroit des responsables de ces agences ce mercredi, Innocent Libidi, directeur général des transports, a indiqué que les frais d'acquisition de cette carte sont fixés à 1 000 $ américains pour l'agence étrangère de voyage aérien et à 1 million de francs burundais pour une agence nationale de voyage aérien, Nibiz Innocent. Il est directeur général des transports. C'est une nouvelle réglementation pour l'obtention de la carte d'agrément des agences de voyage aériennes. C'est une nouveauté au Burundi parce que les agences de voyage aériennes au Burundi, on ne connaissait pas là où on peut les trouver. Et ils travaillaient suivant une réglementation sans connaître là où ils tirent le droit de vertir. C'est dans cette optique qu'elle a été mise en place une ordonnance conjointe du ministre des Air et Transports dans ses attributions et le ministre des Air et Finances dans ses attributions. Une ordonnance qui va réguler l'octroi de permis de travail pour ces agences de voyage aérien. Ils sont de deux types. Il y a les agences de voyage aérien étrangères qui doivent payer 1 000 $ et les agences de voyage aérien de droit national qui doivent payer 1 million de francs. Et après, le ministère va délivrer une carte d'agrément qui aura une validité d'une année. Nous comptons aussi mettre en place une réglementation sous forme d'autorité de régulation qui aura pour mission de réguler le transport aérien, surtout les agences de voyage. Ici au Burundi, on a enregistré à peu près 143 agences, mais qu'on ne voit pas comment ils travaillent. Donc, dans l'optique de contribuer au développement du pays, on doit les connaître et puis c'est à eux de soumettre les préoccupations et les défis pour que le ministère puisse les aider à les surmonter. Actualité internationale. En actualité internationale, ce mercredi 1er mars s'est ouvert à Libreville le One Forest Summit, une rencontre internationale de haut niveau consacrée à la protection des forêts tropicales et notamment à celle du bassin du Congo qui se trouve en Afrique centrale à cheval et sur 6 pays. Le président français Emmanuel Macron sera présent avec plusieurs de ses homologues africains. L'avion d'Emmanuel Macron s'est posé aux environs de 19h le mercredi 1er mars soir à Libreville, première étape de sa tournée qui va donc l'amener ensuite en Angola, au Congo-Brazzaville et en RDC. Il a été accueilli au palais présidentiel par son homologue Ali Bongo. A noter que le Burundi a été représenté à ce sommet par le Premier ministre Gervais Ndirakobuta. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais à cela qui vient de nous capter en cours de route, voici le rappel des titres. Le numéro 1 burundais, Evariste Ndayishimiye, rejette le comportement d'homosexualité. Il a dit ce mercredi lors d'une prière organisée à l'Assemblée nationale et c'était devant le Parlement. La plateforme pour la prévention et la gestion des catastrophes dans l'exercice de sa mission fait face au manque de moyens financiers et le personnel insuffisant. Le général de brigade de police, Anissé Nibaruta, président de cette plateforme, l'a dit ce mercredi lors de la journée mondiale de la protection civile. Ouverture ce mercredi 1er mars à Libreville du sommet One Forest Summit. Une rencontre internationale de haut niveau consacrée à la protection des forêts tropicales et notamment celle du bassin du Congo qui se trouve en Afrique centrale à cheval sur 6 pays. Le Burundi ayant été représenté par le Premier ministre Gervais Ndirakobuta. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Akizemana pour sa mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikobananga. Un bon après-midi à toutes et à tous.